Bonjour, chers toutes et tous, en vos qualités titre, bonjour. On va s'intéresser aux hommes, effectivement, et notamment avec une idée essentielle, principale. À Versailles, comme à Marly, on a trois dynasties qui règnent seules et sans partage sur les eaux de Versailles et de Marly. À Versailles, ce sont les Denis qui s'occupent des grandes eaux de 1670 aux années 1750. Ensuite, on a les Lucas qui sont responsables des fontaines de la ville, qui reprennent ensuite les fontaines des grandes eaux en succession des Denis, qu'on voit ensuite devenir directeur de la machine de Marly, qui, en tant que plombier, font les conduits du Trianon de Marie-Antoinette et qu'on retrouve après sous les 18. En ce qui concerne Marly, on a une dynastie de 1685 à 1793 qui est celle des Vitry. Donc notre optique, notre volonté didactique, ça sera de faire une histoire généalogique, sociale. On va laisser le technique puisqu'il faudra encore rajouter je ne sais pas combien d'heures d'intervention pour en aborder tous les aspects. Alors, à l'origine, le tout premier fontainier à avoir l'entretenement des fontaines de Marly est Louis Isabelle, qui est nommé en avril 1683. Mais en avril 1685, quand l'eau de la machine arrive, la machine de Marly arrive en abondance pour alimenter les fontaines, à ce moment-là, Louis XIV nomme Thomas Vitry en remplacement d'Isabelle. Isabelle est un très bon plombier, mais spécialiste plutôt du plomb qu'on utilise dans les bâtiments. Donc les gouttières, les chéneaux, les belles lucarnes. Et donc on l'envoie à Saint-Germain où il s'occupe des couvertures. Il a l'entretien des couvertures. Et c'est un bon fontainier puisque quand, pour couler les 7 tonnes de plomb qui vont isoler les tablettes, les jointures des tablettes de l'aqueduc de Maintenon, on fait appel à lui pour aller jusqu'à Maintenon et former les ouvriers qui vont faire le travail. Donc son éviction n'est pas une sanction. Simplement, Thomas Vitry, qui est le fils de Pierre Vitry, laboureur à Montreuil, proche de Vincennes, travaille depuis 1672 à Versailles avec son frère Philippe. C'est l'un des compagnons plombiers de Claude Denis, il est cité comme compagnon plombier. Il travaille aux fontaines, ensuite prend les comptes des bâtiments du roi, puis on va travailler comme l'un des nombreux entrepreneurs aux plus belles fontaines auxquelles tient le roi, comme par exemple la fontaine du pavillon. Et il est très lié aux Denis, c'est évident. Quand il se marie en 1682, à l'âge de 27 ans, avec Marguerite Montandeau, c'est Claude Denis qui est témoin au mariage. Donc on voit bien des liens de protection, de sociabilité. Et d'ailleurs, les Denis, comme les Lucas, comme les Vitry, sont une véritable dynastie qui s'étend sur 4 générations. Et qui travaillent sur les eaux de 1672, ils iront même se vanter dans un acte de remonter à 1669. 1672, c'est sûr, c'est un rapport de Colbert. Et elles travaillent aux eaux de Versailles jusqu'en 1818. Donc c'est une dynastie. Si on regarde avec un peu plus d'attention, on entre d'ailleurs vraiment dans la sociabilité des gens de métier, puisque Jules Gabriel Vitry a pour parrain Jules Ardoin, architecte du roi, contrôleur des bâtiments du roi, neveu d'Ardoin Mansart. Et la sociabilité professionnelle que montrent les Vitry est absolument exceptionnelle, quand on regarde dans le détail. Prenons les innombrables enfants de Thomas Vitry, qui avait plus de 12 enfants, quelle santé. Le premier, Claude Thomas, a pour parrain Claude Denis, le grand ingénieur des fontaines de Versailles. Le second, Jean Thomas, a Rémy Ginson, jardinier. Marie-Catherine, c'est Jacques Lucas, le plombier ordinaire du roi, qui s'occupe de tous les châteaux où il n'y a pas de fontainier permanent. Donc les Tuileries, qui va faire aussi la chapelle de Versailles, qui va travailler à plein d'autres chantiers. Claude Marguerite, c'est Gilles Lemoine, fondeur du roi. Le fondeur travaille le cuivre. Donc il est responsable de tous les ouvrages de cuivre, les robinets, certains ajoutages, des fontaines de Versailles et de Marly. Catherine Thomas, c'est André Dupuis, grande généalogie de jardinier. Marguerite, c'est Dominique Turolle, les valets donc du roi, étudiés par Mathieu Davinard. Jean et Charles, jumeaux. C'est Marie-Claude Bailly, fille de Jean Bailly, l'entrepreneur de la Guglaussienne, l'entrepreneur constructeur du château de Marly. Marguerite, c'est Nicolas Drouard, le grand maître rocailleur des fontaines de Versailles et de Marly, qui succède à Berthier. Et Thomas Bereton sur Jacques Lucas. Donc on a vraiment une sociabilité des gens de métier, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans d'autres généalogies. Autre lien, autre point commun d'ailleurs avec les Denis. 10 décembre 1699, baptême de Louis Vitry, qui porte le prénom de Louis, parce que son parrain, si vous regardez, le parrain très haut et très puissant, prince Louis de Bourbon, duc de Bourgogne, et la marraine, Marie-Adélaïde de Savoie. Et rappelons que le contrat de mariage de Claude Denis est signé par Louis XIV, le grand dauphin. Donc, on a la sociabilité professionnelle et on a aussi une sociabilité de cour. Et précisons d'ailleurs que Thomas Vitry a acheté une charge d'officier de fourrière de la duchesse de Bourgogne. Donc il fait partie du cercle des familiers de la duchesse de Bourgogne. Notamment Denis à Versailles, Vitry à Marly ont un contact direct avec le roi. Par exemple, on a des ordres du roi pour rabaisser les fontaines de Versailles et qui s'en occupe, le fontainier qui va travailler l'ajutage, c'est-à-dire la sortie du conduit qui fait gicler l'eau au milieu de la fontaine. En ce qui concerne Marly, on a l'incontournable d'Angeot qui dit, 11 novembre 1685, le roi ce matin s'est promené et a donné ses ordres donc, au milieu des jardins pour plusieurs petites choses qu'il a fait faire ici à sa cascade et à ses fontaines, à quoi il veut qu'on travaille demain. Le lendemain, d'Angeot qui écrit, le roi fit travailler tout le matin et l'après-midi à ses fontaines à Marly, car le roi s'amuse. C'est ce que dit d'Angeot. Le roi se promena un mois plus tard. Le roi se promena tout le matin et toute l'après-dînée dans ses jardins où il s'amusa à faire planter des marronniers au-dessus d'une cascade nouvelle où il va faire travailler. On est en 1695. Il n'y a plus d'argent dans les caisses des bâtiments du roi. On abandonne l'aqueduc de Maintenon, mais on va claquer 5 millions pour Marly. Enfin, 5 millions qui sont fait le calcul. Permettrait peut-être de finir d'ailleurs la duc de maintenant. Gouverner, c'est choisir, comme disait le duc de Castries. Autre exemple, en 1700, Louis XIV édicte un règlement pour diminuer tous les ajustages des fontaines de Marly afin de les faire aller tout le long du jour. Et il donne clairement ses instructions et qui va les appliquer, bien évidemment, c'est Thomas Vitry. Contact épistolaire administratif ou contact direct, le roi qui se pointe dans ses jardins et qui dit je veux ceci, je veux cela. C'est ce que dit Saint-Simon, donc cette phrase citée mille fois, Marly qui est faite en bassin changé 100 fois, en cascade de même à figures successives toutes différentes, en ce jour de bassin changé 100 fois. Alors, très rapidement, en quoi consiste le travail de Thomas Vitry et de ses enfants? 1773, donc un acte qui a été publié par Bruno Benz dans Marly, Jardin des Eaux, qui est très intéressant puisque c'est Vitry qui parle lui-même. Le fontainier en chef est chargé de veiller sans cesse au bon état des eaux, robinets, soupapes, conduites, regards, de faire réparer par les compagnons qu'il a sous ses ordres et qu'il paye et qui forme aussi toutes les fautes qui surviennent sur les conduites, sur les raccordements plomb multipliés à l'infini. Il doit veiller aussi aux couvertures de plomb et les rétablir. C'est tout à fait logique. Si on prend le règlement des métiers et corporations des plombiers de la ville de Paris, qui sont institués par lettre patente en 1660, seuls les plombiers ont le droit de souder les gouttières, chenaux. Et d'ailleurs, cette corporation des plombiers est l'une des plus ouvertes, l'une des plus accessibles. Il n'y a pas besoin de chef-d'œuvre. Donc c'est comme ça qu'on peut-être facilement passer de fils de gros laboureur à plombier, puis maître plombier, puis maître plombier du roi. Une ouverture sociale. D'ailleurs, dans les comptes des bâtiments du roi, on comprend maintenant pourquoi Vitry est payé pour remonter l'horloge. S'il va cavaler sur les toits pour faire la soudure des gouttières, il a l'horloge sous les yeux, en quelque sorte. Veiller au feu, y porter secours, tenir les pompes à feu, en bon état. En cas d'incendie, il y a tellement de bois dans ces palais que la pompe à feu, elle servira pas à grand chose si surtout on met le tuyau de départ dans un bassin. Non, les pompes à feu sont très utiles. Par exemple, on a des ordres d'Angivillier à Lucas, quand il est responsable des grandes eaux, pour arroser la façade de Trianon afin de rafraîchir un peu la reine Cachot, ou bien pour arroser les allées devant le château quand il y a un peu de vent qui fait soulever du sable. Donc on arrose devant la reine les enfants de la famille royale. Les pompes à feu, ça sert à tout, et en cas de feu, elles ne seraient pas très très efficaces. Bien évidemment, balayer les combles des bâtiments, si on y va pour faire la soudure, puis surtout balayer les combles, c'est qu'il y ait trop de feuilles mortes qui vont surcharger les gouttières, qui vont les faire casser, c'est de la prévention pour éviter d'avoir à les ressouder. Casser la glace, dégorger les jets des marrons, des feuilles mortes. Ce qu'on retrouve aussi dans les règlements que Colbert donne à Denis pour les fontaines de Versailles. Tout ça, c'est très, très, très classique. Et tenir en état la quantité d'eau qui arrive journalement dans les réservoirs et de celle qui se dépense, parce que il faut être sûr d'avoir l'eau en réserve dans les réservoirs de Marly si on veut faire jouer les grandes eaux. D'autant plus que, à partir de 1734 et de la grande épidémie de typhoïde, l'eau de la machine de Marly est réservée en priorité à la ville de Versailles. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas détruite sous la Révolution. Hein? Donc c'est un travail très classique, si ce n'est que, étant donné que Marly n'est pas un immense château à toiture gigantesque comme le Louvre, Fontainebleau, on ne va pas mettre sur place un plombier spécifique pour les toitures. C'est Vitry qui est sur place, mais qui est chargé des quelques rares réparations de soudure qu'on peut avoir. Alors, être plombier, c'est quand même un poste intéressant. C'est l'un des plus gros salaires de Marly. Hein, d'ailleurs, voire même plus que le jardinier. Bon, en dessous, bien évidemment, du contrôleur, l'inspecteur. Cela permet d'avoir un poste sur place, dans le pavillon des bâtiments qui est proche de l'entrée côté village. Hein. C'est quand même un bel appartement hein, quand on regarde, parce que vous avez une entrée particulière qui se dessert l'appartement du jardinier, l'appartement du fontainier. On a la cuisine avec un cellier, un four à pain, le fourneau, une salle à manger. Puis à l'étage, on a deux chambres avec deux garde-robes. C'est un bel appartement. Bon, c'est pas le palace de Mansart qui a un 6 pièces cuisine gigantesque, rare dans un Marly qui est tout petit. Hein. Le capitaine commandant des Suisses, le marquis de Saconnet, il a une piole, c'est tout. Bon, Mansart est vraiment très bien loti. Benjamin Ringot vous en reparlera peut-être demain. C'est un bel appartement parce que les gardes suisses de la machine de Marly, les gardes suisses des pavillons du parc, ils ont une chambre pour toute la famille. Qui leur sert de guérite, qui leur sert du bureau, qui leur sert de chambre, qui leur sert de cuisine. Donc il y a une hiérarchie sociale qui s'exprime à travers la hiérarchie des bâtiments. Ben. Venons-en maintenant à la période de transition entre Louis XVI et la Révolution. Là, nous avons un document clé qui nous a été indiqué par Brudomès, qui a été publié par lui dans la Gazette des Beaux-Arts en 1991, qui est un plan de Marly, Armand Vitry Fekit, 1784. Ben, plan, d'ailleurs, quand on regarde le cartouche, qui est superbement fait, hein, donc c'est ce très beau plan, le plus beau d'ailleurs qui a été fait sous Louis XVI, hein, qui est à la bibliothèque municipale de Versailles, on voit que Vitry, finalement, n'est pas uniquement un homme de métier, un homme de métal. C'est quelqu'un qui trace Excel, aquarelle à merveille. Comme tous les contrôleurs et comme tous les inspecteurs des bâtiments du roi. Ils ont tous une formation d'architecte. Ce ne sont pas des administratifs. À tout moment, s'il y a un tuyau qui casse, un mur qui s'effondre, ils peuvent faire un croquis qui obéit parfaitement aux règles du dessin d'architecture pour l'expliquer au surintendant des bâtiments du roi. Ce plan est vraiment central, nodulaire, radiant. Pourquoi ? Parce que le frère de Charles Armand, Thomas Vitry, il fait une carrière d'abord d'ingénieur hydrographe de la marine, puis ensuite, en 1775, il passe ingénieur cartographe au secrétariat d'État aux affaires étrangères. Il travaille à la carte de la frontière des Pyrénées. Il fait plusieurs campagnes de cartographie. Pyrénées, frontière de Lorraine, frontière d'Alsace. Puis comme il est dans les affaires étrangères, il est ensuite, à partir de 1778 et la Révolution américaine, secrétaire de légation de l'Amérique septentrionale. Et malheureusement, l'outre-mer ne lui réussit pas, il rentre complètement malade et il demande son départ à la retraite en 1792. Si ce n'est que dans un courrier au ministre, dans ce dossier de carrière aux archives des affaires étrangères, il parle clairement de l'éducation, l'instruction qu'il a reçue et qui lui a permis d'accéder à ce poste. Hein? Donc, on peut faire un rapprochement avec Claude Denis. Claude Denis qui a une centaine d'ouvrages à son inventaire après décès et qui rédige une très belle description de Versailles en poème publié par Marcel Rénal. On a des gens de métier, des gens de métal qui peuvent être aussi des gens de lettres. Hein? Nous sommes à l'époque d'une société en uniforme. Hein? Par exemple, ben on rejoint l'article « Les recherches sur la livrée du roi » de Mathieu Davina. On peut reconstituer parfaitement, à partir des états des bâtiments du roi, l'uniforme des gardes suisses de la machine de Marly. On reconnaît la livrée du roi, les galons. L'uniforme de Grandeuil, ce sont des gardes suisses, qui sont des régiments des Suisses ou des sans Suisses. Mais les gens de métal, les gens de métier, ont aussi un uniforme. Uniforme de garde des eaux de la machine de Marly au regard du jongleur, et aussi du fontainier plombier de la machine. Pierre Moutier, qui vient de Marly, dont le père a été formé par Vitry, hein, et qui sont fontainiers de la machine sur trois générations, retrouvent encore en permanence sous les bâtiments ces dynasties. Hein. Le fondeur qui travaille le cuivre a lui aussi son uniforme. Hein. Ah oui, merci, je n'y ai pas songé, tellement c'est évident. Bon. Donc là, on a un uniforme qui est très proche de celui des gardes suisses, hein, si ce n'est qu'on a les. Avec les revers de veste et les retroussis rouges, pas écarlates comme les gardes suisses. En revanche, là, on a une tenue qui est plus proche de celle des gardes des bâtiments du roi, ou voire même des gardes de la. Petite tenue des gardes de la prévôté de l'hôtel sous. Sous Louis XVI. Ben. Si ce n'est que les Denis, les Lucas à Versailles, les Vitry à Marly ont eux aussi un uniforme bleu, avec les galons de la livrée du roi, mais sous la Révolution, Charles-Armand Vitry est obligé de changer complètement de carrière. Et cette carrière s'insère totalement dans le devenir de très nombreux gardes suisses, ouvriers de la machine. En 1793, Marly est en train d'être ravagé, détruit, vendu en matériaux de construction. Et Charles Armand se retrouve, comme on disait à l'époque, avec sa marmite renversée au chômage technique. Ben, les représentants en mission de la Convention nationale, qui sont en charge de la destruction de Marly, qui vont claironner à l'Assemblée, qu'ils ont arraché des kilomètres... Pas encore des kilomètres, le système électrique n'est pas encore arrivé, il faut encore attendre 2 ans. Mais des lieux de tuyaux de plomb, de fonte, qui vont servir à forger le métal, les arbres qui vont briser les arts méditerranéens, ils vont aller chercher Vitry et lui demandent d'indiquer les pièces, les regards, les tuyaux, pour le relever sur place. Et Vitry s'exécute, et sous la plume des représentants du peuple, qui envoie le rapport à la Convention, on sent que Vitry a un peu le cœur brisé de voir cela. Alors, relever le plomb, on peut le fondre sans problème pour faire des balles pour les canons de fusil, relever les kilomètres de tuyaux de fonte, je me souviens, il y en a 5 ou 7 au Marly, ça sert à rien. On n'est pas capable de refondre des tuyaux de fonte. On est la fonte de seconde fusion au cubillot, on est à peine à ses essais. D'accord. Donc là, c'est plus une destruction vengeresse qu'une destruction à utilité économique et d'efforts de guerre. Donc Charles-Armand Vitry, le mec trouve à s'employer. On a vu qu'il était capable d'exceller dans le domaine des plans. Et ben là, on retrouve son uniforme en 1812. Donc c'est une aquarelle de Carl Vernet qui est au musée de l'armée sur tous les uniformes réglementaires de 1812. Donc on reconnaît l'uniforme bleu national, on voit un aigle impérial, une légion d'honneur, hein, et un plan. Hein. Tous les dessins qui montrent un officier du génie à l'époque, ça fait partie des lieux communs des codifications, ils tiennent un plan de fortification. Voilà, c'est pour ça que ce plan de Charles Armand de 1784 est vraiment central. Bon, il s'engage en 1793 comme volontaire national. Exactement comme le garde suisse du duc de Penthièvre à Marly, qui est le neveu du garde des eaux et qui est donc son beau-frère. hein, comme de nombreux charpentiers de la machine de Marly. Le fils du sergent des gardes de Marly, sergent c'est un bas-officier, Michaud, il s'engage, il est repéré par Bonaparte, il est cité à l'ordre du jour de Bonaparte dans l'armée d'Égypte, et il fait une carrière d'officier d'administration, il termine général d'Empire, chevalier d'Empire, Légion d'honneur. Avec la Révolution, ils peuvent accéder au poste d'officier. Ils peuvent accéder aux épaulettes de chef de bataillon. Ce qu'à quoi arrive Armand Vitry. Donc, il est repéré à l'armée du Rhin très tôt par le général Clark, commandant général de l'armée du Rhin, qui l'engage comme secrétaire, qui le nomme, vu ses capacités. Quand vous êtes capable de remplir des devis de matériaux, quand vous excellez à la plume, quand vous savez écrire, quand vous savez rédiger, quand vous savez faire une correspondance administrative pour expliquer un problème à d'Angivilliers, vous êtes un élément de choix précieux dans une armée où 80% des officiers nobles ont immigré. Donc il le nomme capitaine, quartier-maître, trésorier du 5e bataillon du génie. C'est un des trois officiers d'état-major, du bataillon de sapeurs. Bataillon, c'est-à-dire une unité régimentaire. Donc il participe à trois sièges, le siège de Quai, le siège de Mayence en l'an 2, prise de Mannheim. Sa colonne dans son dossier, de carrière, sa colonne action, éclat, reste vide. Hein. Mais au moins... trouve-t-il à s'employer, d'accord. Et par exemple, à Marly, le Suisse de la grille du trou d'enfer, au nord du parc, s'engage lui aussi dans les armées du roi. La machine de Marly, elle n'est pas détruite. Juin 93, l'Assemblée nationale, la Convention nationale, juin 93, je crois qu'il y a les têtes des Girondins qui doivent tomber, donc on est d'une période assez sanglante. La Convention nationale décrète la destruction de la machine, comme suppôt abominable, l'ancien régime. Qui se met à hurler à Versailles? La section des sans-culottes, versaillais, les teneurs de pique, les bonnets phrygiens, qui disent « mais si vous cassez la machine, il n'y a plus d'eau pour les 20 000 habitants ». Et exceptionnellement, la Convention nationale va suspendre son décret. C'est quand même assez exceptionnel que la Convention nationale suspende un décret vengeur contre l'ancien régime. Donc, finalement, quand on regarde nos fontainiers, nos charpentiers, nos fondeurs de la machine de Marly, des zones de Marly, des zones de Versailles, passent la Révolution parce qu'ils ont des connaissances techniques exceptionnelles dont on ne peut pas se passer. Hein. Si on prend le cousin de Charles Armand, il n'y a plus de place à Marly, donc il est formé à Marly par son oncle, Aimé des Fontainiers. Il est fontainier du roi sous Louis XVI. 1793-95, il est employé aux eaux de la commune de Versailles. Puis quand Napoléon rétablit les grandes eaux, ou au moins celles de Trianon, il est toujours en place. Et il meurt en 1818, fontainier du roi, Louis XVIII. Le record, je pense, c'est Étienne Chacou, dont la famille arrive sous Louis XV. En 1848, il est conducteur de la machine à vapeur de Marly sous le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. D'accord. Donc, on en arrivera à notre conclusion. Une dynastie, parmi plein d'autres, dont toutes celles qui ont pu être étudiées, que ce soit les châsses, les marbres, les pépinières, les jardiniers, les fontainiers, ce sont des dynasties qui se fondent sur la survivance. Mais le roi y est gagnant, parce qu'il dit... Oui, vous succéderez à votre père, mais votre père vous forme dès maintenant, durant plusieurs années, mais je ne vous paye pas. Vous vivez sur la paye de votre père. Et quand votre père décède, vous connaissez par cœur mais les aqueducs de Marly, mais c'est un labyrinthe. Et Bruno Bess en a découvert plein dans sa thèse d'archéologie, mais on peut encore maintenant descendre, et on en redécouvre maintenant qu'on remet en eau pour refaire fonctionner certains bassins. Donc, c'est quelqu'un qui, à la mort du père, connaît parfaitement le réseau, connaît parfaitement les tuyaux, sait qu'on a réparé telle conduite il y a telle année, donc la fuite, elle n'est pas là. Si l'eau coule pas dans la fontaine, c'est que la fuite, elle est plus haut. Ils ont une connaissance technique matérielle du réseau, connaissance technique matérielle des outils, des métaux à mettre en œuvre. Donc, en conclusion, on a une dynastie comme plein d'autres, et puis aussi... une dynastie qui, vu son savoir-faire technique, passe parfaitement à la Révolution. Notre Vitry, qui était fontainier à Versailles, avant la Révolution, il est sous les ordres d'Étienne Gondouin, hein, qui est le neveu de Lucas. Étienne Gondouin qui fait les condites de plomb du hameau de la Reine par Antoinette. Étienne Gondouin qui fait la fontaine temporaire dans la cour des Tuileries du sacre de Napoléon, fournisseur impérial, et qui, sous Louis XVIII, redevient directeur. Donc, notre Pierre Anne Vitry, il a le même directeur en 1789 qu'en 1818. Hein? Que ce soit les Gondouins à Versailles, les Vitry à Marly, les ouvriers de la machine de Marly, ils passent révolution. Hein? Et cet épisode historique, il faut le voir sans a priori politique, finalement, hein? Mais avec un a priori qui est le savoir-faire technologique, qui, à partir du moment où cet homme de métier ne se mêle pas de politique, petite erreur que fera Gondouin un moment quand il se mettra à critiquer le représentant en mission qui est en train de casser Marly par écrit. Bon, il aura quelques soucis et quelques mois de prison, mais ces gens passent la révolution. Et on a donc des dynasties qui servent Étienne Anceau, qui s'occupe des aqueducs d'Aubonne à Boire, qui succède à Le Jongleur, 1680-1820, encore un autre. Donc c'est vraiment sur ces deux idées qu'il faut conclure sur cette très longue dynastie au service des grandes eaux de Marly.